Vous écoutez Futur Simple au 89.1 et nous allons finir Futur Simple par une expédition dans le Nord, celle de l'explorateur John Franklin en plein milieu du 19e siècle. Il est parti à bord de l'Erebus et lui et son équipage ne sont jamais revenus. Et jusqu'à récemment, on ignorait même où avait sombré l'Erebus. Alors Frédéric Bouchard nous fait revivre cette exploration et fait le point sur la découverte de l'Erebus qu'on a finalement retrouvé. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, on t'entend bien. Excellent. Oui, je vais vous parler aujourd'hui de septembre 2014. En fait, on se souvient de cette conférence de presse du premier ministre Stephen Harper, tout fier d'annoncer qu'on avait retrouvé l'Erebus. Alors, c'était il y a un an et évidemment, c'est un des chapitres finalement les plus mystérieux de l'histoire du Canada. Mm-hmm. Qui prenait une tournure inattendue à ce moment-là. Donc, on a découvert l'Erebus, l'un des deux navires de la tristement célèbre expédition Franklin, parti d'Angleterre avec environ 130 membres d'équipage sur les navires les mieux équipés de l'époque, et l'expédition va être un échec total. Pas un seul survivant. Qu'est-ce qui leur est arrivé? On se pose la question depuis maintenant presque 170 ans. Et donc, la découverte de l'an dernier devrait apporter des réponses, des éléments de réponse, mais il va falloir être patient. Mais peut-être tu peux nous rappeler qui était Franklin et qu'est-ce qu'il allait faire dans ben l'Arctique? Oui. Qu'est-ce qu'il allait faire là? Bon, ben oui. Sir John Franklin. Et c'était un explorateur britannique avec une longue feuille de route. Il avait été engagé dans la Royal Navy dès l'âge de 14 ans. C'est et il jeune. Avait, mmh. Ouais, c'est jeune quand même. Ben, à cette époque-là, il commençait ça jeune. Il avait participé à de nombreux voyages, des batailles navales restées célèbres comme la bataille de Trafalgar en 1805 contre les armées de Napoléon. Mais c'est surtout comme explorateur arctique qu'il s'était fait connaître. Il avait pris part à plusieurs expéditions dans les territoires du Nord-Ouest, dont une où il avait carrément dû se résoudre à manger ses semelles de bottes pour ne pas crever de faim. Donc, il a fait un mandat de gouverneur de Tasmanie, au sud de l'Australie, et puis il est revenu en Angleterre vers l'âge d'une cinquantaine d'années pour se faire confier la mission dont il rêvait depuis toujours, c'est-à-dire être le premier à traverser le fameux passage du Nord-Ouest. Ben, on sait, on en parle aujourd'hui, puis on considère que c'est important, mais à l'époque, est-ce que c'était important, ça, le passage du Nord-Ouest? Tout à fait. Déjà au milieu du 19e siècle, la conquête du passage du Nord-Ouest, ça excitait autant les gouvernements des grandes puissances occidentale que la population en général. On savait à peu près rien sur ces terres gelées à l'autre bout du monde, au nord d'un immense territoire peu habité qui allait bientôt s'appeler d'ailleurs le Canada. Les cartes de l'époque étaient imprécises, incomplètes, lorsqu'elles n'étaient pas carrément inexistantes. Donc, les premiers qui réussiraient à naviguer à travers l'Arctique et à ainsi percer le mystère du passage du Nord-Ouest s'assureraient une exclusivité commerciale et stratégique en plus d'un certain prestige politique au niveau international. Et puis, en ce milieu de 19e siècle, les années 1840, aucune nation n'est plus avancée scientifiquement, militairement, commercialement que l'Angleterre. Mm-hmm. Alors, le Union Jack, le drapeau britannique, devait donc flotter absolument partout dans l'Arctique. Ah oui, d'accord. Donc, comment on va se préparer là? Comment on se prépare pour une telle mission? Ben, on se prépare généralement des mois, des années d'avance. Dans ce cas-ci, ça a été un petit peu précipité, mais quoi qu'il en soit, la Royal Navy va confier à Franklin, qui est alors âgé de 59 ans, quand même âgé pour l'époque, même pour l'époque, elle va lui confier le commandement de la mission qui devra naviguer à travers le passage du Nord-Ouest, cartographier les côtes encore inconnues et, par la bande, confirmer la suprématie maritime de l'Angleterre. On va rien, absolument rien épargner pour assurer le succès de l'expédition. On va mettre à sa disposition les deux plus robustes navires disponibles, donc l'Erebus et le Terror, qui viennent tout juste d'ailleurs de rentrer d'un séjour en Antarctique couronné de succès. Donc, coque renforcée avec des plaques d'acier, moteur de locomotive à vapeur, chauffage central pour le confort de l'équipage, bibliothèque de plus de 1000 livres par navire et 8000 boîtes de conserve pour nourrir les membres de l'équipage pour les trois prochaines années. Au fond, l'expédition de Franklin était au 19e siècle ce que les missions Apollo de la NASA vont être au 20e siècle. Une belle comparaison. Donc finalement, qu'est-ce qui arrive à l'équipage, à Franklin et à son équipage? Ce qu'on sait, ben, l'Erebus et le Terror, les deux navires, lèvent l'ancre le matin du 19 mai 1845. Donc, partent de l'Angleterre, traversent l'Atlantique durant l'été. Ils vont faire une courte escale en juillet sur la côte ouest du Groenland pour embarquer de la viande viande fraîche, l'équipement. Et aussi, c'était la tradition, envoyer les dernières lettres à leurs femmes, à leur famille, hein, évidemment. On sait, ils ont été aperçus pour la dernière fois en août 1845 par des baleiniers qui naviguaient dans la baie de Baffin, donc le bras de mer entre le Groenland et l'île de Baffin. Et d'après les objets, les quelques objets et messages retrouvés, et surtout d'après les témoignages des Inuits qu'ils ont croisés à quelques reprises, on sait qu'ils ont passé un premier hiver près de la minuscule île de Beechey, en plein milieu de l'Arctique canadien, pas très loin d'où se trouve maintenant Resolute Bay. Ensuite de ça, ils vont naviguer vers le sud. Les navires vont rester pris à jamais dans les glaces au large de l'île du roi Guillaume, ou King William Island. Et au printemps 1848, donc après trois hivers passés dans l'Arctique, toujours piégés dans les glaces, l'équipage a perdu plus d'une vingtaine d'hommes. Mm-hmm. Il en reste environ une centaine. Ils sont pas mal affaiblis, démoralisés, et ils décident, grosse décision, d'abandonner les navires et tentent de regagner le continent nord-américain à pied. Un voyage de plus d'une centaine de kilomètres à pied. Donc, résultat, ils vont tous mourir de faim, de froid, du scorbut et des autres maladies. On aurait même retrouvé des indices d'intoxication au plomb, ce qui aurait pu aggraver les autres maladies. Intoxication au plomb, puis comment on découvre de tels indices pour penser... Quels sont les indices pour penser, c'est ça? Ben, ce sont des anthropologues de l'Université d'Alberta qui ont étudié la question durant les années 1980. Et c'est en faisant des fouilles sur des sites d'hivernage de l'équipage, ils vont trouver des ossements. Et lorsqu'ils font analyser les ossements, ils observent une concentration anormalement élevée en plomb, c'est-à-dire 10 fois celle des os des Inuits prélevés dans la même région. Donc, l'équipe de chercheurs réussit l'année suivante à obtenir l'autorisation d'inhumer les tombes de 3 marins morts durant le premier hiver. Et les corps sont justement exceptionnellement bien préservés dans le pergélisol, ou le sol gelé, dont on a parlé le mois dernier. Ouais. En quelque sorte, les corps vont être momifiés par le gel. Donc, ils font analyser, ils peuvent récupérer des échantillons d'os, de tissus et même de cheveux. Et ils vont trouver encore des teneurs élevées en plomb, même après ça. Après une autopsie, les causes de décès vont être associées à une combinaison de tuberculose et de pneumonie, aggravée par l'intoxication au plomb. On a avancé suggéré deux hypothèses pour expliquer cet empoisonnement-là. Premièrement, il y a du plomb qui était utilisé. Il faut savoir qu'il y a du plomb qui était utilisé à l'époque dans les soudures pour sceller les boîtes de conserve. Et les navires, comme on l'a dit tout à l'heure, contenaient plusieurs milliers de ces conserves-là. Donc, l'ingestion de plomb au quotidien, même à petite dose, aurait contribué à empoisonner les membres d'équipage. Puis, l'autre hypothèse avancée, les navires étaient aussi équipés d'un système de désalinisation de l'eau de mer. Et il est fort probable, avec les instruments de l'époque, les outils de l'époque, les équipements d'époque, qu'il est probable que du plomb se soit retrouvé en circulation dans le système d'eau potable. Encore une fois, une petite dose au quotidien qui aurait fait en sorte qu'il y aurait eu un empoisonnement à petit feu, si on peut dire. Donc, on avait découvert des ossements, des restes humains, des artefacts, mais les épaves des navires, elles étaient toujours introuvables? Toujours introuvables, même jusqu'à l'an dernier, et c'est pas faute d'avoir cherché, évidemment. Dès 1848, 3 ans après le départ de l'expédition, la Royal Navy, l'Angleterre, toujours sans nouvelles, décide d'organiser une mission de sauvetage, sans succès malheureusement. Par la suite, il y a des dizaines d'expéditions de recherche et sauvetage, parfois elles-mêmes disparues sans laisser de traces, qui vont être mises sur pied au cours du 19e siècle. Mais c'est surtout en recueillant les témoignages des Inuits qu'ils ont côtoyés à plusieurs reprises qu'on va peu à peu apprendre ce qui est advenu des membres d'équipage et des navires. Mais, évidemment, l'océan Arctique, c'est immense et c'est un océan qui est bloqué par les glaces la majeure partie de l'année. Donc, presque toute l'année, sauf quelques semaines. Donc, chercher 2 navires de 30 mètres de long dans un paquet d'îles, c'est vraiment comme chercher la fameuse aiguille dans la tout aussi fameuse botte de foin. C'est par un heureux mélange d'utilisation d'outils technologiques de pointe, comme le sonar, à la fois aussi avec du savoir traditionnel inuit et d'un peu de chance, un secteur qui était dépourvu de glace à ce moment précis-là de l'année. C'est donc l'ensemble de ces facteurs-là qui a fait en sorte qu'une équipe a finalement mis le grappin sur l'épave de l'Erebus en septembre 2014 à la satisfaction du premier ministre du Canada. Puis maintenant qu'on a retrouvé cette fameuse épave, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à partir de cette année, donc, et pour plusieurs années encore, il y a une équipe de plongeurs archéologues de Parc Canada qui va pas littéralement passer l'épave au peigne fin. D'ailleurs, en septembre dernier de cette année, l'équipe a d'abord déblayé, on pourrait dire, déblayé l'épave des nombreuses algues marines qui la recouvraient. Puis elle a inspecté l'état de la charpente du navire, encore en très, très bon état, même après ses 169 ans passés au fond de l'eau. Les plongeurs ont également aussi prélevé et décrit une trentaine d'objets, incluant une partie de la roue du gouvernail. Mais le plus passionnant risque de se produire au cours des prochaines années. On devrait pouvoir enfin inspecter l'intérieur du navire. Il doit avoir hâte. Ben oui, dont la cabine, évidemment, de Franklin. Ouais. Donc, est-ce qu'il va y avoir des objets ou encore mieux des documents encore préservés qui nous renseigneront sur les derniers instants de l'équipage? Ben ça, c'est la question à se poser. Et puis, enfin, où est-ce qu'elle est, l'autre épave? Ah oui, c'est vrai. Celle du Terror. Oui. Est-ce qu'elle est encore intacte? Ouais. Est-ce qu'elle a été broyée par les glaces? Est-ce qu'elle a dérivé? On ne sait pas où. Pour l'instant, on n'a pas de réponse et puis les recherches vont se poursuivre au cours des prochaines années, évidemment. Mmh. Alors, c'est donc une double aventure finalement parce qu'il y a celle de John Franklin et il y a celle des recherches aujourd'hui pour retrouver les épaves et comprendre ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric. Ça m'a fait plaisir.